Chapitre 14e. Ils flânèrent une bonne partie de la matinée autour du port, bras dessus, bras dessous. Les jumeaux s'en donnaient à cœur joie. Leur cœur jeune et libre battait fortement dans leur poitrine lorsqu'ils croisaient de jeunes et jolies demoiselles. Mais hélas, la barrière de la langue freinait quelque peu leurs élans. Fatigués par l'air de la mer, affamés, ils rentrèrent tout joyeux pour s'attabler de nouveau. Leur repas avalé, ils pensèrent qu'une bonne sieste leur ferait le plus grand bien, et, sitôt la tête sur les fameux oreillers de plumes, ils s'endormirent pour ne se réveiller qu'en fin d'après-midi. Patrick avait hâte de descendre pour revoir son ami d'enfance, qui était, à part les deux frères de sa première femme, l'unique ami qui lui restait de son pays natal. Ce Rory Flanagan avait émigré très jeune. Dès qu'il eut 13 ans, ayant perdu ses parents, il s'engagea comme mousse sur un voilier, en partance pour le grand nord canadien. Lorsqu'il rentra de ce voyage, mûri et aguerri, il avait 19 ans et parla de son rêve. Il voulait partir en France. Patrick ne connaissait pas la France. Pour lui, c'était trop proche de l'Angleterre. Il préférait risquer l'aventure de l'Amérique. En y repensant, Patrick se dit qu'après tout, chacun avait eu raison, puisque l'un comme l'autre, ils avaient finalement réussi leur vie. Ils descendirent et se rendirent dans un petit salon attenant à la salle à manger, mise à la disposition des clients de l'auberge. Ah, vous voilà! Mon frère vous prête sa voiture sans rien demander d'autre que la nourriture pour les chevaux. Cela vous convient-il? À merveille! Nous pourrons ainsi dès demain pousser l'aventure un peu plus loin. Et Rory? Il va descendre dans quelques minutes. Je lui ai dit que quelqu'un désirait le voir au salon. Ne bougez surtout pas. Un pas lourd se fit bientôt entendre et un géant roux fit son apparition. Monsieur, madame, vous désirez? Rory, Rory Flanagan, on ne reconnaît pas son vieil ami? Excusez-moi, monsieur, mais. Il pencha la tête et scruta attentivement Patrick. Puis enfin ses yeux s'agrandirent de stupeur et un rugissement sortit de sa poitrine. Patrick! C'est bien toi, mon ami? Oh Dieu tout-puissant! Il faut que je m'asseye, ce n'est pas possible. Cela fait presque 20 ans et même plus, non? 24 ans, mon ami, 24 ans exactement. Patrick et Rory se retrouvèrent dans les bras l'un de l'autre, se donnant de grandes tapes amicales dans le dos. Mais comment est-ce possible? Tu étais parti pour les Amériques, non? Je te croyais mort ou riche à millions. Qu'en est-il, mon ami? La mort n'a pas voulu de moi. Alors j'ai pris les millions. Ah, vieux frère, c'est incroyable. Mais que fais-tu ici? Je voulais montrer mon pays à ma femme et à mes enfants, et nous voilà. Mais ici, en France? Je me suis rappelé tes paroles sur ce pays. Une terre libre où les gens sont accueillants. Et ton grand rêve. Alors, avant de repartir chez nous, j'ai voulu savoir et aussi te revoir. Quelle coïncidence de te retrouver justement en descendant dans ton auberge. Tu peux le dire, mais il faut fêter cela. Dînons tous ensemble ce soir, tu veux? J'ai justement ramené des crevettes grises qui font la réputation d'honfleur, et je vais sortir un vieux calvados de derrière les fagots. À propos, je suis enchanté de faire votre connaissance, chère madame. Vous avez de bien beaux enfants. Mais cette ressemblance, bon sang, ça ne doit pas vous faciliter la tâche. Vous savez, c'est une question d'habitude. Et puis leur caractère est très différent, et rien que cela m'aide à les distinguer. Mais vous, cher monsieur Flanagan, vous n'avez pas d'enfant? Appelez-moi Rory. Il ne peut y avoir de salamalec entre amis, n'est-ce pas? Quant aux enfants, ne m'en parlez pas. J'ai deux filles et pas d'héritier. Quel malheur! Tu te lamentes encore, Rory Flanagan, alors que tu les adores, tes deux filles? S'écria sa femme. C'est vrai. Elles sont la prunelle de mes yeux, ces gamines. Mais j'aurais quand même aimé avoir un fils, madame Flanagan. Dieu l'a voulu ainsi, alors cesse de grogner. Nous vous les présenterons tout à l'heure. Elles sont cousettes dans une petite boutique de mode à la sortie de la ville, et leur rêve serait d'aller dans la capitale. Il n'en est pas question, se récria Flanagan. Mes filles ne partiront d'ici que mariées, et pas pour des niaiseries. C'est clair, madame Flanagan. Oh, tu nous casses assez les oreilles avec ça. Savez-vous qu'il les voit déjà promises à des princes? Elles sont bien jolies et bien éduquées. Elles pourraient épouser des armateurs ou autres notables. Ce serait l'idéal. Rory, nous allons agacer nos amis avec nos chamailleries. Allez plutôt vous installer près du feu. Et toi, sers à nos invités de la fine champagne que tu gardes pour les grandes occasions. Lorsque les deux jeunes filles rentrèrent, joyeuses et si fraîches, leurs parents étaient déjà à table. Elles se tinrent coites devant cette tablée inattendue. Ah, voilà mes deux joyaux. Alors, Patrick, me diras-tu ton opinion, mon ami? Il est vrai que ces deux jeunes filles sont bien charmantes. Je vous présente Claire et Alice. Venez, les filles, approchez, que je vous présente à mon vieil ami et à sa famille. Claire était blonde, avec un visage régulier très pâle et de grands yeux bleu ciel qui lui mangeaient le visage. Plus fine était Alice, et aussi plus spontanée, une petite brunette aux yeux noisettes, pétillant de malice et d'intelligence. Elles s'avancèrent doucement, les yeux baissés. Ne faites pas les timides ici, nous sommes quasiment en famille. Fais donc les présentations en règle, mon ami. Eh bien, je suis Patrick Emerson, un grand et vieil ami de votre père. Voici ma femme, Larme de pluie, et mes deux fils, Josh et Jesse. Comme vous avez pu le constater, ils ont le même âge vu qu'ils sont jumeaux. Les deux jeunes filles levèrent enfin les yeux et serrèrent les mains tendues en signe d'amitié. Le repas fut convivial et l'alcool aidant, Patrick et son ami chantèrent de vieilles ballades irlandaises pendant que les femmes discutaient entre elles en buvant du café. Dites-moi, chère madame, votre prénom n'est pas commun et pas vraiment irlandais. À vrai dire, bien que née en Amérique, je suis Navarro. Navarro, fit Alice. Qu'est-ce donc? Une tribu d'Indiens, chère petite. Oui, je suis indienne. Ça alors? Mais vous ne ressemblez pas à ces peaux rouges que l'on voit dans les magazines illustrés. C'est que je pense que les gens d'ici ne savent pas trop réellement ce que sont les Indiens, je me trompe. Certes non, mais n'allez surtout pas vous offenser. Vous savez, ici, nous avons seulement quelques nouvelles venant de bateaux qui font quelquefois de grands voyages et de marins qui, pour se trouver intéressants, font des portraits pour des illustrés, comme disent mes filles. Nous n'y portons aucune attention, croyez-moi, madame Emerson. Je vous en prie, je ne suis pas offensée le moins du monde. Voulez-vous savoir comment est mon peuple? Nous ne voulons pas abuser de votre gentillesse. Ce sera un plaisir pour moi que de vous parler de ma famille. La conversation dura jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Il fallut pourtant que Josh et Jesse aident leur père à se mettre au lit, et les deux jeunes filles en firent tout autant avec les leurs. Le calvados et la fine champagne avaient fait leur office. Nos hommes, demain, je le crains, auront mal aux cheveux. J'espère que vous n'en voulez pas trop à mon Rory, madame Emerson. Écoutez, appelez-moi Larme de pluie, voulez-vous? Je pense que désormais nous sommes amis. Tout à fait. En ce cas, appelez-moi Jeannette. Après de longues années de séparation et tant de souvenirs qui ressurgissent comme cela, il fallait bien un peu de gaieté. Et ma foi, mon Patrick n'en mourra pas. Qu'allez-vous donc faire ces jours prochains? Et surtout, jusqu'à quand serez-vous nos hôtes? Demanda Jeannette. Eh bien, je ne sais pas trop. Patrick et moi voulons visiter votre beau pays. Et ma foi, cela prendra le temps que cela prendra. Nous ne vous ennuyons pas, j'espère. Auriez-vous prévu autre chose? Oh, aucunement. Et je suis très heureuse de votre visite. C'est si rare de rencontrer des gens comme vous, si francs et si spontanés. Plus longtemps vous resterez, plus nous serons heureux. De plus, j'ai remarqué que nos enfants aussi avaient l'air de s'apprécier. Ah, jeunesse, quelle belle chose que la jeunesse. Vous avez raison, et je suis très heureuse également d'être ici. C'est si bon, disais-je à Patrick, de se faire un peu dorloter après un voyage aussi long et aussi éprouvant. Le lendemain, le mercure monta de quelques degrés. Le soleil était radieux. Ils décidèrent donc, après un solide petit déjeuner, de partir avec la voiture du docteur. Jeannette Flanagan leur prépara un succulent panier de pique-nique et leur souhaita une bonne promenade. Tu es bien silencieux, mon ami, demanda Larme de pluie à Patrick. C'est que, vois-tu, j'ai un fichu mal de tête. Lorsque Larme de pluie éclata de rire, Patrick, étonné, se tourna vers ses fils. Je dis à votre mère que j'ai un mal de tête, et cela la fait rire? Cela vous fait-il la même chose? Ce n'est pas parce que tu as mal à la tête que je ris, mais bien parce que Jeannette l'avait prédit hier soir. Oh, quelle journée splendide! Où allons-nous? Au gré du vent et où ces chevaux voudront bien nous conduire. Tu as raison, il fait si beau que flâner à l'aventure est la meilleure des choses. Regarde donc toutes ces fleurs, ces pommiers et ces vaches. C'est vraiment très beau ici et si calme. Si je m'écoutais, j'y resterais volontiers. Tu plaisantes, n'est-ce pas, Patrick? Fit l'arme de pluie, redevenue soudain sérieuse. Tu n'aurais pas l'idée de venir ici définitivement et laisser toute ta famille en Amérique? Ne t'inquiète pas comme ça. Il n'en est bien sûr pas question, mais si nous avions une maison par ici, nous pourrions revenir de temps en temps de temps à autre en France pour nous reposer, se ressourcer en quelque sorte. Cela ne te plairait-il pas? Peut-être. Cependant, as-tu pensé aux enfants? Tu sais, ce sont presque des hommes à présent. Je ne crois pas qu'ils aient besoin de nous à chaque instant. L'arme de pluie resta silencieuse un bon moment. Allons, ne t'en fais donc pas, mon amour. Je ne ferai rien qui te causerait du chagrin, tu le sais. Oublie tout ça et goûtons cette si belle journée. Ils pique-niquèrent dans une vaste prairie sur les hauteurs de Fiquefleur, où la vue sur la mer était imprenable. Patrick s'allongea dans l'herbe, la tête sur les genoux de sa femme. Ah, la vie est vraiment belle parfois. Quel bonheur de pouvoir en profiter tous ensemble. Les jours se suivaient, l'été s'installa. La campagne bruissait du bourdonnement des abeilles. Les blés mûrissaient en tapis doré. Ils partaient très souvent en mer avec Rory, et les jeunes s'amusaient comme des fous dans les champs remplis de fleurs. On aurait dit que le temps était suspendu. Ils ne pensaient plus qu'à s'amuser entre amis. Un jour, sur les hauteurs de Fiquefleur, l'arme de pluie surprit quelque peu son mari. La vue est si belle. Pourquoi ne pas la construire ici, cette maison? Quoi? Que viens-tu de dire? Fit Patrick, incapable d'articuler autre chose. J'ai dit que ce serait l'endroit idéal pour construire notre maison de vacances. Ça ne te plaît pas, ce petit coin? Si ça ne me... Mais enfin, chérie, pourquoi? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Il est vrai que bientôt Josh et Jessie fonderont une famille, alors nous pourrions de temps à autre venir tous les deux pour nous reposer et revoir nos amis. Patrick prit sa femme dans ses bras et la fit tournoyer jusqu'à ce qu'il roule dans l'herbe chaude et parfumée. Je t'aime, ma femme, pour un peu. Je te referai bien un petit, s'exclama Patrick. L'arme de pluie fit semblant d'être scandalisée. Tu es insupportable. Mais tu es l'homme le plus adorable que je connaisse. Les travaux débutèrent 3 semaines plus tard. Rory Flanagan chercha les meilleurs ouvriers parmi ses connaissances. Il en trouva une bonne cinquantaine et ils promirent qu'avant les premiers froids d'octobre, la demeure serait achevée. Ils tinrent parole. La villa était splendide, en pierre du pays avec un beau toit d'ardoise. Passé le porche et le vestibule, une grande salle à manger se profilait. Un salon lui faisait face avec une belle cheminée toute en marbre. Puis venait une immense cuisine, un cellier, une buanderie, une salle d'eau. À côté du salon, l'arme de pluie voulut un bureau pour son mari, puis une bibliothèque pour les jours de pluie. À l'étage, la fenêtre de leur chambre s'ouvrait sur la mer, et la large cheminée égayait les soirées fraîches de l'automne. Sur le vaste palier, plusieurs salles d'eau alternaient avec les 8 autres chambres. Quant au jardin, il était planté de pommiers et de toutes sortes de fleurs qui parfumaient jusqu'à l'intérieur de la villa. Une véranda complétait le tout. Patrick avait fait planter quelques lilas, chèvrefeuilles et autres seringas qui faisaient le plus grand bonheur de sa femme. Ils passèrent l'hiver dans leur superbe maison, le nez collé aux fenêtres lorsque la neige fut là et près de la cheminée, où pétillait toujours un bon feu de bois. Pourtant, au printemps, il fallut se résoudre à fermer la belle demeure, à faire ses adieux aux amis et à reprendre le bateau pour les Amériques. Le cœur un peu lourd de quitter un si bel endroit, mais heureux de revoir leurs proches. Patrick et l'arme de pluie parlaient toujours de tout ce qu'ils auraient à raconter. Pendant ce temps-là, Josh et Jessie traînaient lamentablement leur chagrin. Un jour, Patrick en parla à sa femme. Tu crois qu'ils sont malheureux parce que nous quittons ce pays? Tu es aveugle, comme tous les hommes, mon pauvre Patrick. Ne vois-tu pas qu'ils sont amoureux? Amoureux? Ah, oh, les hommes! Ils sortaient avec Claire et Alice tout le temps ces derniers mois. Cela devait arriver. Ben, ils ne m'ont rien dit. Je suis quand même leur père, que diantre! Ils ne voulaient sûrement pas te faire de peine. Par contre, ils ont fait la promesse à ces jeunes filles de revenir pour les épouser. Et c'est maintenant que tu me le dis. C'est insensé. Je suis le dernier averti, c'est cela? Pas tout à fait. Nos amis n'en savent rien non plus. Ils n'ont pas fait de bêtises, au moins. Non, rassure-toi. Toutefois, je crois à leur amour sincère et profond. Bien, nous verrons. Si ce que tu dis est vrai, cela résistera au temps. Mais au fait, qui est avec qui? Josh est amoureux de Claire et Jessie d'Alice. Ils ont l'air de s'entendre très bien. Crois-tu que nos petits-enfants seront fiers de nous, mon amour? Ah, il ne manquerait plus qu'ils ne le soient pas. Dans tous les cas, cela poserait un sacré problème. Qui resterait pour s'occuper du ranch, du pétrole? Pour le moment, ton frère est là, mais comme nous, il prend de l'âge. Il y a bien ses enfants, cependant, j'aimerais quand même bien que l'un des miens fasse autant. Nous n'en sommes pas encore là, tu sais. Combien de temps comptes-tu rester en Amérique cette fois, avant que la bougeotte ne te reprenne? Je n'en sais trop rien. J'aurais aimé ramener ton frère avec nous la prochaine fois. On n'y compte pas trop. Faire monter Bison Ardent sur un bateau, j'aimerais voir ça. Allons, ne sois pas pessimiste. Je l'en convaincrai, tu verras. En tout cas, les nouvelles sont bonnes. Depuis 2 ans que nous sommes partis, ils ont encore mis 10 puits en forage. Cela monte à 120 puits désormais, qui fonctionnent à plein rendement. De plus, toute la famille est en pleine forme, alors ne nous faisons pas de soucis. Profitons plutôt des quelques jours qui nous restent. C'est donc au début de l'année 1880 que la famille Emerson revint en Amérique. Dès que la calèche passa la porte du ranch à J, tous les Navarros surent que leur frère chien hurlant leur était revenu. Les enfants couraient dans tous les sens. Les vieillards penchaient leur noble tête en souriant. Les femmes caquetaient comme des poules, courant de tous côtés. À peine descendus de voiture, ils virent arriver un cheval au grand galop. On descendit à toute vitesse, Bison Ardent qui se précipita dans les bras de Patrick. Mon frère, enfin te voilà. Je n'y croyais plus. 2 ans que tu es parti, 2 ans. Ils virent avec émotion et pour la première fois de sa vie, Bison Ardent fondre en larmes. Ah, oh, c'est si bon de te revoir. Eh bien, si je m'attendais à cela.